m'avait dit demain, comme tous ceux qui n'osent pas, on se parlait de loin, en gardant les mêmes pas. On avait peur du vide, de savoir ce que ça coûte. Alors on s'écrivait des lignes sans jamais aller au bout. Et je me souviens encore d'un sourire, un reste un peu que t'as pas su dire. On avait dit demain, mais demain n'est jamais venu. On s'est perdu en chemin, à force d'attendre on s'est déçu. On croyait que le temps ferait mieux que nous deux, mais on a laissé filer ce qu'on avait de précieux. Les jours sont devenus des semaines sans vraiment changer. Nos silences ressemblaient à tout ce qu'on n'osait pas avouer. On jouait à se mentir juste pour tenir encore, comme si le cœur pouvait choisir entre s'enfuir ou faire un effort. Et je me souviens encore d'un sourire, un reste un peu que t'as pas su dire. On avait dit demain, mais demain n'est jamais venu. On s'est perdu en chemin, à force d'attendre on s'est déçu. On croyait que le temps ferait mieux que nous deux, mais on a laissé filer ce qu'on avait de précieux. Et si un jour tu reviens, je te promets rien, mais j'ouvrirai la porte un peu. On sait jamais ce que veut un cœur têtu. On avait dit demain, mais demain n'est jamais venu. On s'est perdu en chemin, à force d'attendre on s'est déçu. On croyait que le temps filer ce qu'on avait de précieux.